C'est l'histoire de Rosette la crevette qui, un soir, avait mal à la tête. Sans amis, toujours mise de côté, courait d'un bruit à la vitesse des marées. Elle sent pas bon, elle s'est jamais lavée. Chez les poissons, elle n'était pas aimée. Dans ce monde aquatique, au beau prince à l'antenne magique. Le grand homard qui vint la consoler lui fit part du monde des crustacés. Depuis ce jour, elle le rit de bon cœur en croisant ses poissons sans odeur. Tout le monde n'a pas la vie aussi tranquille que la buse, et les causes à défendre ne manquent pas. Tao se rend compte qu'il suffit parfois de peu pour aider un ami en difficulté. Mais il a la tête qui tourne avec toutes ces histoires. Il a besoin de se retrouver avec lui-même. Ça fait un bon bout de temps qu'il marche dans le monde, et il commence à en avoir les pieds usés.